Chapitre 12e. Il savait que le tableau que Juliette copiait était le portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne. Il n'était donc pas embarrassé pour la chercher. Mais lorsqu'il arriva à la porte qui fait communiquer la galerie d'Apollon avec le salon carré, il fut surpris de ne pas l'apercevoir à la place qu'elle devait occuper, c'est-à-dire en face de lui. En venant, il s'était fait une fête de se cacher dans l'embrasure de cette porte, de façon à pouvoir regarder Juliette sans que celle-ci soupçonnât sa présence. Perdu dans la confusion des allants et venants, il pourrait rester là aussi longtemps qu'il voudrait et la contempler tout à son aise. Quand il aurait calmé son émotion, il l'aborderait, et n'ayant point la voix coupée par le trouble de la joie, il saurait ce qu'il dirait. Or, pour lui, c'était chose importante que ses premières paroles. Il lui semblait qu'elles devaient engager l'avenir. Lorsqu'il s'était éloigné de Paris, il n'avait point encore dit à Juliette qu'il l'aimait. C'est-à-dire que le mot « amour » n'avait point été prononcé entre eux. Mais ce qui est sentiment n'a pas besoin d'emprunter le langage des lèvres pour s'exprimer. Un regard, un serrement de main, un mouvement de tête, un silence sont plus éloquents souvent que les mots les plus passionnés. Et bien que Juliette, de son côté, n'eût jamais parlé pour dire qu'elle était fâchée ou heureuse de cet amour, il était certain d'avoir été compris. Dans ces conditions, qu'avait-elle pensé de son brusque départ? Quel accueil allait-elle lui faire? La façon dont elle lui avait serré la main quand elle était entrée lors de l'enterrement ne lui permettait pas de prévoir ce que serait son accueil, car à ce moment elle devait être dans des dispositions de sympathie qui ne lui laissaient pas sa liberté. Mais maintenant l'heure décisive avait sonné, et c'était maintenant que, de son côté comme de celui de Juliette, les paroles décisives allaient être prononcées. Voilà pourquoi il eût voulu se préparer avant de l'aborder. En même temps, il lui semblait qu'en la tenant sous son regard, même de loin, il ferait passer en elle un peu de la tendresse qui était en lui. Comment n'était-elle pas là? Pourquoi? Elle lui avait bien dit cependant que tous les jours en ce moment elle travaillait à cette copie, qu'elle devait livrer dans un délai fixé. Il pensa qu'il avait dû se tromper. Assurément, il s'était trompé, elle était là. C'était l'émotion qui l'empêchait de la voir. Et de fait, il était tremblant, un brouillard s'étendait devant ses yeux. Il tâcha de se raffermir et se mit à regarder de nouveau. Mais le salon était plein de monde et au milieu des promeneurs qui circulaient entre les chevalets des copistes, où se groupaient çà et là, il était difficile de bien voir. Il lui fallut entrer dans le salon, et c'était ce qu'il ne voulait pas. Il se contenta d'avancer la tête pour chercher une bonne position et regarder. Mais justement, en ce moment même, une file d'étrangers passa devant lui et lui barra la vue. C'étaient des Anglais en famille. Le père marchait en tête, majestueusement, un homme qui accomplit une mission et sait le prix de l'argent qu'il dépense. La mère, longue et sèche, le suivait de près. Puis, derrière elle, venaient cinq grandes filles échelonnées par ordre de taille. La plus jeune sur les talons de la mère, l'aînée la dernière pour fermer la haie. Elle s'avançait à la queue leu-leu, comme une troupe de dindes qui vont au champ, et elle marquait le pas de leurs longs pieds chaussés de fortes bottines, tandis que leurs voiles de gaze les couronnaient d'un immense panache vert. Arrivée en face des noces de Cana, la troupe s'arrêta et fit une évolution. La mère à côté du père, la plus jeune des filles dans leurs jambes, devant eux les quatre autres de chaque côté, deux par deux. Alors le père, ayant ouvert son guide, se mit à lire haut la description du tableau que personne ne regardait. Ainsi groupé, il formait entre lui et la place où devait se trouver Juliette un rideau vert. Il attendit un moment. Puis, comme la lecture se prolongeait trop longtemps pour son impatience, il entra dans le salon, décidé enfin à savoir si elle était ou n'était pas là. Pourquoi s'irriter et s'exaspérer ainsi inutilement? Sa résolution prise, il traversa rapidement le salon, bousculant ceux qui gênaient son passage. Mais son premier coup d'œil ne l'avait pas trompé, elle n'était pas là. Un vieux peintre à cheveux gris copiait le Diogène du Poussin. Une petite femme, à lunettes rondes et bombées comme les verres d'une lanterne, copiait la belle jardinière. D'autres copiaient, dans la même travée, l'officier de Terbourg, le militaire de Metsu, le concert de Valentin. Personne ne copiait en ce moment le portrait de Richelieu. Une grande toile, il est vrai, était tournée vers le mur, sa copie sans doute. Mais ce n'était pas son tableau qu'il venait voir, c'était elle. Où était-elle? Déjà partie? Malade, peut-être? Ou bien elle avait terminé sa copie et alors elle ne viendrait plus au Louvre? Il interrogea un gardien, qui lui répondit que Mademoiselle Nélis n'était pas encore venue, mais qu'elle viendrait. Elle avait annoncé la veille qu'elle serait en retard. Ce n'était plus qu'une affaire de temps, il pouvait attendre. Mais il était impatient, nerveux. Pour passer le temps, il se mit à regarder les peintres qui travaillaient. Jusque-là, quand il était venu au Louvre, ça avait été pour voir les originaux et non les copies. Mais maintenant que Juliette exécutait une de ses copies, il avait la curiosité d'examiner ceux qui travaillaient auprès d'elle, ses camarades. Et quoi? Le vieux bonhomme qui, du Diogène, faisait un devant de cheminée ou un dessus de porte, c'était un peintre? Peintre aussi était la femme à lunettes qui copiait la belle jardinière et qui, pour plaire aux bonnes sœurs qui la lui avaient commandée, détachait la Vierge sur un fond d'azur en donnant à ses yeux l'expression bête et mignarde inventée par l'art des jésuites. Perchée sur une échelle, une jeune femme copiait la tête d'un des bergers de Ribera. Mais elle ne s'intéressait guère à son travail et paraissait avoir grand souci de ce qui se passait autour d'elle, surtout de ceux qui la regardaient. Elle était assez jolie, avec des cheveux roux qui se déroulaient sur ses épaules. Pendant le temps qu'Adolphe l'examina, elle ne donna pas un coup de brosse à sa toile à peine couverte, mais elle drapa 6 fois les plis de sa robe, changeant de pose chaque fois, de manière à faire tableau. Fatigué de ses grimaces, il continua sa visite, puis, quand il eut fait le tour du salon, il alla s'asseoir de manière à se trouver en face de la porte d'entrée. Il était là depuis quelques instants, suivant d'un œil distrait le défilé des promeneurs, quand le nom de Juliette, prononcé derrière lui, frappa son oreille. Qui parlait d'elle? Mais elle n'était pas la seule Juliette. C'était d'une autre, sans doute, qu'il allait être question. Il écouta. « Je voulais voir sa copie. Comment est-elle? Pas mal pour une copie, vous savez, et puis elle s'y applique. » Il se tourna doucement pour voir, sans être remarqué, ceux qui parlaient ainsi de sa Juliette, car c'était bien de la sienne qu'il s'agissait. L'un des interlocuteurs, celui qui avait été interrogé, était un jeune peintre, un grand et beau garçon, à l'air un peu fat et vide, qu'il avait remarqué quelques instants auparavant copiant la maîtresse du Titien. L'autre était un homme d'une 40aine d'années, décoré, des grands cheveux, pas de barbe, des vêtements fripés, pas de linge apparent, et une corde bleue pour cravate. « Vous la connaissez beaucoup ?» demanda le peintre d'un ton goguenard. « J'ai beaucoup connu son père qui autrefois, quand il était dans la splendeur, m'a facilité mes débuts. C'était un brave homme, intelligent, entreprenant, plein d'idées originales. Je ne sais pas s'il se serait jeté à l'eau pour ses amis. Cependant, il l'aimait à obliger et il le faisait noblement. Je lui suis reconnaissant des services qu'il m'a rendus. C'est lui qui m'a ouvert les journaux. Je voudrais maintenant payer la fille la dette que je devais au père et faire pour elle dans mes journaux ce que M. Nélis a fait pour moi autrefois dans les siens. Seulement, au lieu de la faire écrire, j'écrirai pour elle et je parlerai de sa copie. Oh, une copie. Ah, vous êtes gentil pour les petits camarades, vous. Une copie de Philippe de Champaigne. Ça ne mérite pas qu'on s'en occupe, n'est-ce pas? Encore, si c'était une copie du Titien. Je n'ai pas dit ça. Ce ne sont pas les paroles de votre chanson, mais c'en est l'air. Au reste, vous avez raison. Et je trouve tout naturel que vous soyez surpris de me voir parler d'une copie. Je ne le ferai pas assurément pour tout le monde. J'ai rencontré Madame Nélis l'autre jour. Elle m'a demandé ça pour sa fille. Il faut bien que je profite de l'occasion qui se présente. Je ne peux le faire à propos de son nez. Son nez vaut bien sa copie. Elle a du galbe, c'est une belle fille. Des cheveux, des yeux, et ses 20 ans. Et sa jambe. Vous ne l'avez donc jamais vue sur son échelle? Il faut voir ça, mon cher, ça vaut le voyage du Louvre. Et dire qu'il y a un tas de crétins d'Anglais, d'Américains, de Péruviens qui tombent en pamoison devant la Joconde ou autre vieux chef-d'œuvre et qui n'ont jamais regardé ce chef-d'œuvre vivant qui s'appelle la jambe de Juliette Nélis. C'est peut-être un peu fin, un peu trop jambe de biche, mais malgré ça, c'est charmant. Il y a longtemps que j'aurais fini mon Titien sans cette jambe adorable qui me fait loucher. Elle la montre. Oh non! Seulement elle la laisse voir, c'est une nuance. Et c'est là ce qui la distingue de cette grande cigogne, toujours perchée devant le Ribera. Voulez-vous que je vous donne un conseil, dit le journaliste en riant, pour ma copie? Non, pour Juliette Nélis, qui me paraît vous occuper beaucoup trop. Eh bien, défiez-vous des jambes de biche. Si vous avez des intentions sérieuses à son égard... Je n'ai pas d'intention sérieuse à l'égard de Juliette Nélis, je vous assure. Laissez-moi vous formuler mon conseil, il pourra vous servir dans la vie. Donc, je suppose que vous aimez une jambe comme celle dont nous parlons. Alors, vous vous arrangez de manière à la voir nue. Pas bête du tout, votre conseil. Pas si vite. J'entends que vous allez au bain de mer avec elle, par exemple, et naturellement, vous la voyez jambe nue. Si la peau est lisse, risquez-vous. Mais au contraire, si elle est couverte d'un léger duvet, tenez-vous sur vos gardes. Ah, bah. Allez regarder les jambes du satyre qui contemple Antiope dans son sommeil, et vous comprendrez sur quoi repose ma théorie. Les anciens, qui donnaient des jambes de chèvre aux faunes, aux satyres, aux sylvains et autres personnages lascifs, savaient ce qu'ils faisaient. Là-dessus, je vous quitte, heureux d'avoir prêché la bonne parole. Et la copie du Richelieu. Vous direz à Juliette que je n'ai pas pu attendre. Au reste, je n'ai pas besoin de voir sa copie. Si vous croyez que je vais faire de l'esthétique là-dessus, non. Quelques bonnes lignes pratiques avec des chiffres, c'est tout ce qu'il faut. Et cela vaudra mieux pour elle qu'un feu d'artifice d'adjectifs. La réputation des peintres se fait avec l'arithmétique. Adieu. Adolphe était indigné. Et quoi ? C'était ainsi qu'on parlait de celle qu'il aimait, avec ce sans-gêne, cette licence, cette grossièreté. Elle avait du galbe. On la comparait à cette fille rousse. Et ses jambes, quelle blessure pour son amour, qui souffrait dans sa délicatesse et sa pureté. Ses jambes. Comme il eût étranglé ces deux hommes avec jouissance. Elle connaissait ces gens, elle vivait au milieu d'eux, elle était exposée à leur outrageante familiarité. Il resta un moment suffoqué, mais tout à coup il se leva. Elle venait de paraître, et dans le linteau de la porte qui lui faisait une sorte de cadre, la lumière l'éclairait. Son visage animé par la course, ses yeux brillants, la grâce de sa démarche, les plis de sa robe longue, tout en elle l'éblouit. Le nuage noir qui l'enveloppait fut déchiré par ce rayon de soleil, et une douce chaleur le pénétra. Enfin !